Juste sur la mobilisation des hors statut, peut-être Isabelle Bouclet là-dessus. Donc comme vous le savez peut-être, il y a une loi qui est en discussion, enfin qui n'est pas en discussion, il y a un projet de loi qui a été signé au 31 mars dernier sur la stabilisation des personnels non titulaires de la fonction publique, donc dans les trois fonctions publiques. Donc il y a une loi qui pose plein de problèmes, mais qui en tout cas a eu au moins un mérite, c'est de poser la question et puis d'essayer de résorber une partie très, enfin pas marginale, mais une partie de la précarité dans la fonction publique. Alors comme d'habitude, comme nous, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche fonctionne de façon dérogatoire par rapport au statut général de la fonction publique d'État. Donc pour l'application de cette loi-là, c'est comme d'habitude, l'application ne peut pas se faire telle quelle, puisqu'en gros c'est une loi faite pour des administratifs. Donc pour l'application de l'enseignement supérieur et la recherche, ça pose plein de problèmes. En tout cas, elle va être discutée au Sénat au début du mois de janvier. Il y a des critères d'éligibilité à la loi qui ont été donnés. Je ne sais pas si vous. C'est tellement la peine que je les décline. Ce que je peux peut-être dire, c'est que un comité de suivi a été mis en place pour l'application de cette loi dans notre secteur, et que donc un recensement a été établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des non-titulaires qui travailleraient sur fonction permanente, ce qui est un des concepts clés qui pose problème pour l'adaptation de la loi à notre secteur et puis à l'adaptation, la mise à point de l'application de cette loi d'une façon générale. En tout cas, 11 000 personnes malgré tout dans les organismes de recherche et dans les universités ont été recensés par le ministère. Donc les syndicats n'arrivent pas à obtenir les noms des personnes, il n'y a qu'un chiffre global. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, par extrapolation de l'enquête précarité qu'on avait faite en 2009, on comptait entre 50 et 50 000 personnes qui étaient précaires dans l'enseignement supérieur à la recherche. Donc 11 000, c'est un cinquième quand même si c'est une loi qui a beaucoup de défauts, c'est une loi qui peut concerner quand même du monde. Elle a un petit effet de mobilisation du côté des précaires. Enfin, bon, pour l'instant, j'ai un indicateur faible, mais il y a une AG précarité qui a été organisée à Jussieu mardi matin, qui s'est organisée, je ne sais pas comment, mais de façon évidente à l'arrache, puisque l'information intersyndicale a été diffusée la veille. Et bien, malgré ces conditions, il y avait au moins 100 personnes dans l'amphi. Et moi, je n'ai jamais vu une AG précaire avec 100 personnes. Enfin, j'ai pas une longévité gigantesque, mais sur la période. Enfin voilà, dans notre lutte contre la précarité sans mouvement social, c'est pas mal, 100 personnes, on va dire. Et donc voilà, cette loi concerne à la fois une titularisation, et là, sur les 11 000 personnes, ça équivaut 90 personnes, 90% de ces personnes pourraient passer titulaires directement. C'est-à-dire parce qu'elles remplissent certaines conditions, avoir 4 ans de contrat sur 6 ans. Donc, bon, voilà, il y a des règles comme ça. Et puis 10 à 12% des personnes qui sont recensées passeraient, elles, en CDI. Donc ça aussi, je dis ce chiffre-là pour contrer un des arguments disant que cette loi qui, en effet, a beaucoup de défauts, elle est créée plein de CDI. De fait, elle va quand même créer plus de postes de titulaires que par examen professionnel, etc., que de CDIisation. Et là, cette CDIisation, ça va être uniquement pour les personnes qui auront fait, donc je disais, c'est 6 ans sur 8 ans pour les titulaires, et pour la CDIisation, ça sera pour les gens qui seront en contrat depuis 4 ans sur une durée de 6 ans, et il faudra qu'ils soient en contrat au moment de l'application de la loi, qui ne cesse d'être repoussée. Elle devait être discutée au Parlement à l'automne, finalement elle sera peut-être discutée au Sénat en janvier, donc sa mise en application serait en février-mars, et donc là le gros problème c'est que tous les organismes de recherche et les facs sont en train de mettre fin à tous les contrats, enfin, tant qu'ils peuvent, d'ici la fin de l'année, et proposent des vacations pour le début de l'année 2012. Bon, donc là, il y a une lutte à mener sur... Il faut dire aux gens que même quand leur contrat se termine en décembre, il faut qu'ils fassent remonter leur dossier, parce que l'idée, c'est quand même de pousser, de dire que ça concerne beaucoup de monde, et de contrer les abus de ce côté-là. Mais voilà, donc ça, c'est l'actualité. Et quand même, je trouve que c'est un chiffre important, même si donc c'est un recensement officiel, c'est pas un recensement syndical, c'est pas les chiffres... syndicaux, hein, je dis 11 000 personnes quand même pourraient dans notre secteur en bénéficier, ce qui est évidemment un truc ponctuel, qui n'aura pas d'effet, il ne s'agit pas de créer de poste, rien n'est fait pour être pensé dans la durée, mais voilà, c'est quand même un événement entre guillemets par rapport aux années précédentes. Si j'ai bien compris, quand même, ça ne concerne que les gens qui sont payés sur fonds propres par... Alors oui, ça c'est une autre chose. Les gens qui sont financés, moi j'ai un chercheur depuis 4 ans ou 5 ans en CDD, il passe à côté, lui. Bah, ça dépend. Ça dépend par quoi il est financé. Par soi ou par qui? Par qui, ouais. L'avancée de cette loi par rapport aux lois antérieures, parce que quand même, jusqu'à présent, quand une personne avait, au bout de 6 ans, enfin de 5 ans révolu de CDD, devait être CDDisable. Par contre, il fallait, pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de ce processus-là, avoir toujours été financé par le même organisme public. Alors qu'une des avancées, bon, ça m'énerve de parler très positivement de cette loi, mais quand même, elle a quelques avancées. Une de ces avancées, c'est qu'à partir du moment où la personne est employée par la fonction publique, l'employeur est considéré comme étant l'État et c'est un employeur unique. Il n'y a plus, parce que ça, c'était une des grosses façons de contourner la loi. C'était un coup, on finançait les gens par le CNRS, un coup par l'université. Bon, cette loi-là aplanit cette condition-là. C'est-à-dire que ça n'est plus un autre critère pour exclure. Et le critère de financement, l'origine des fonds. Oui, non, mais c'est... Pardon. Ça peut être agréable. Oui, ça peut être l'ANR, sauf pour ceux qui travaillent pour l'ANR. Alors oui, Le financement ANR, donc tout de... En gros, c'est la feuille de paye. Voilà. Moi, j'avais Ce qui donne la feuille de paye. C'est pas l'origine. C'est pas l'origine des fonds. C'est le compte. C'est étonné quand tu disais... Moi, tu vérifies. Non, il faut vraiment vérifier. Oui. Et alors, la feuille de paye, moi, c'est la feuille de paye, c'est CNRS. C'est bon, du coup, ça peut être bon. Oui, mais c'est bon. Je pense pas que ce soit vrai, l'histoire du... Non. Ah, pour moi, je suis tellement pessimiste que je me suis dit que dans tous les cas, ça allait être contesté sur les questions. Non, mais c'est pour ça que ça concerne quand même. Moi, ça fait déjà un titulaire de plus. Non, et je pense que c'est très important parce que cette loi peut quand même être aussi un moyen d'aller discuter avec plein de précaires de son laboratoire pour savoir s'ils rentrent ou pas et de toute façon leur demander de faire remonter les dossiers parce que de toute façon, c'est quand même très important que tous les dossiers de précaires remontent, même si certains sont à la limite. Ça objective la situation de tous les gens, et on en a plein dans nos laboratoires qui sont là depuis... Alors, le problème, c'est les 4 ans, c'est quand même... c'est beaucoup. Ça veut dire durer au moins 4 ans dans cette situation. Juste rajouter quelque chose pour être plus négatif. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut absolument que tous les précaires s'y mettent. En fait, j'ai regardé justement l'occasion de ça, les chiffres sur l'INSERM, en fait, il y a environ 90 personnes que ça concernera à l'INSERM, et les gens qui sont précaires depuis 3 ou 4 ans seulement, donc qui ne sont pas concernés, c'est 340. Donc il y a explosion ces dernières années, et c'est ça qui est grave. Mais oui, parce que du coup, ça résorbe une précarité qui a déjà plusieurs années, alors qu'elle est exponentielle. Je crois qu'on va lever la séance. Merci beaucoup en tout cas pour tous les intervenants. Ça n'est pas toujours simple de parler de son parcours personnel pour remonter sur une réflexion générale, mais je pense que là, l'objectif a été atteint. Merci.